Message 1. Bonjour Madame Izaki, c'est Monsieur Dunier, directeur de l'école primaire Pierre Brossolette. Je vous appelle au sujet de votre fils Stéphane. Il est malade, apparemment c'est une gastro. Vous est-il possible de venir le chercher? Merci de me rappeler au 01 43 77 72 27. Au revoir. Message 2. Bonjour, ceci est un message pour Monsieur Fabrice Verdun. Ici le secrétariat du laboratoire d'analyse médicale des Quatre Chemins. Vos résultats sont prêts, vous pouvez venir les récupérer. Je vous rappelle que nous sommes ouverts le matin de 7h à 13h et l'après-midi de 15h à 19h. Bonne journée, au revoir. Message 3. Oui, bonjour, ici le Centre social des Deux Fontaines. Nous avons bien enregistré votre demande d'inscription au cours de français et au cours de danse. Malheureusement, il nous manque certaines pièces à joindre impérativement à votre dossier. Sans celles-ci, votre inscription ne sera pas prise en compte. Merci de nous rapporter le plus vite possible une photocopie de votre dernière déclaration de revenus ainsi qu'un certificat médical. Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter au 04 94 47 23 74. À bientôt. Message 4. Bonjour Monsieur Anco, ici Myriam Leclerc de Télécom Service. Je vous appelais au sujet de l'installation de votre connexion Internet. Pourriez-vous rappeler au 0810 110 115 afin de convenir d'un rendez-vous avec l'un de nos techniciens? Les références de votre dossier sont les suivantes. ANK00 93 XV 92 Z 62. En vous souhaitant une excellente fin de journée. Message 5. Bonjour, ici le service des visas du Consulat de France. Je souhaite entrer en contact avec Madame Rachida Mohamed pour lui demander de bien vouloir nous apporter le plus rapidement possible 4 photos d'identité au format réglementaire. Celles qui sont dans le dossier ne conviennent pas. Nous vous rappelons notre numéro de téléphone, le 025 77 88 33. Merci.